Okay. Sombre mon esprit, la tête ailleurs, je rêve de jours meilleurs. À l'ombre de ce qui se dit, je fais mine d'aller voir ailleurs, esquivant les brailleurs et les partis pris. Marre de les suivre, courir derrière une carotte promise. La politique à la main mise sur des valeurs fausses et cachées, soudées. Promesse d'individualisme, même la nature lâche prise. Les beaux jours ne sont plus que des caches misères. Tu crois pas, observe, j'espère que tu réalises. Merde, faut qu'on se réanime, qu'on supprime les œillères, qu'on aille baiser la vie pour lui prouver qu'on l'aime. Pour qu'un jour elle finisse par me connaître, je te parle honnêtement. Rien à foutre des matchs vus, j'ai débuté avec des trous dans les vêtements. Là où je vis, je n'ai pas de vue, jusque de finir comme je suis venu, avec facture et endettement. Ouais, le bonheur j'ai rarement connu, et quelque part c'est embêtant. Révolutionnaire de lumière, parce que je suis encore vivant, parce que mon cœur lui n'a pas encore dit non. J'ai encore à visiter sur ce continent, je continuerai à épicer tout, même un continent, jusqu'à ce que mon blast devienne un compliment. Je rappe pour moi, ça reste un don immense. Il est une lueur, une dalle de caïman, fier de moi sans s'en engraisse. Ouais, le caïman. Et si je comprends rien, on préfère nourrir chien que de se donner la main. Laisse faire l'humaine espèce. Pourtant j'attends rien de spécial, à part un peu plus d'évolution dans mon espace familial. Je me vois mal pacificateur en super guerrier. J'accepte pas comme t'as fait dimanche ou jour férié. On veut m'évincer, me prouver que je suis rincé. T'inquiète, je vais leur montrer qu'on peut briller sans forcément étinceler. Je veux exceller dans le talent, donc je ravache, je lâche pas, mais putain c'est long. À vrai dire ici c'est pas l'inspiration qui manque parfois. Y'a le flot qui flanche, mais dans la vie comme dans la zik, y'a la petite branche. Révolutionnaire à la sueur de certains mots qui tranchent. Rallumer les projets sur ma tronche, là m'écorcher vif. La souffrance prouvera que je suis encore vivant. Si. Révolutionnaire de lumière, parce que je suis encore vivant, parce que mon cœur lui n'a pas encore dit non. J'ai encore à visiter sur ce continent, je continuerai à épicer tout, même un continent, jusqu'à ce que mon blast devienne un compliment. Je rappe pour moi, ça reste un don immense. Il est une lueur, une dalle de caïman, fier de moi sans s'en engraisse. Ouais, le caïman. Chercheur de lueur dans les méandres d'une vie banale, y'a pas de mal à éplucher leurs bananes. Partisans du bonnet d'âne, artisans du vague à l'âme, du courtisan des trottoirs Paname aux délinquants du macadam. Je reste pratiquant du respect en passant de salam, même si parfois mes yeux s'infligent les larmes. Je reste un homme chercheur d'allô de lumière dans un monde salace. Hors de moi, la vision d'un des miens fondant dans la masse. T'sais, ça me fout la rage, bah ouais, ça me fout les boules, l'envie de cracher les douilles. Vous me saoulez tous, souvenez-vous, la révolution c'est nous. Alors une dernière fois pour moi, soulevez-vous. Révolutionnaire des temps modernes et incertain, évoluant en surface ou bien en souterrain. Lève un point, un doigt en l'air à ceux qui trônent en souverain, à ceux qui pensent faire le bien pour nous. La révolution c'est nous. Révolutionnaire de lumière, parce que je suis encore vivant, parce que mon cœur lui n'a pas encore dit non. J'ai encore à visiter sur ce continent, je continuerai à épicer tout, même un continent, jusqu'à ce que mon blast devienne un compliment. Je rappe pour moi, ça reste un don immense. Il est une lueur, une dalle de caïman, fier de moi sans s'en engraisse. Ouais, le caïman. Alors la justice révolutionnaire, c'est un vaste programme sur des fondements nouveaux, ceux que les philosophes des Lumières ont élaborés, mais tout ce qui existait dans le passé pour créer une justice beaucoup plus proche des citoyens. C'est d'abord la justice de paix qui va être instituée, une justice un peu idéale, selon laquelle n'importe quel citoyen peut rendre la justice.